Donc on attend patiemment, puisque pour le moment on n'a pas pris d'auditeur pour passer sur l'antenne, vu que ça galère un petit peu. Les lignes sonnent bien sûr, mais j'imagine que déjà cette heure-ci les gens veulent parler à Gérard. Pour le moment c'est pas possible. Hey, on interdit les gens devant l'antenne, s'il vous plaît, merci. Attends, vas-y, le mec de pizza, d'accord. Hein, c'est des gens qui m'accompagnent, je me passe sur la gueule. Alors terminé, les gens devant l'antenne sont interdits. Ah oui, là c'est moche. D'accord. Oh. Attends, Gérard, viens, Gérard, arrête, Gérard. Non, mais viens, deux secondes. Non, mais calmement, mets-toi là, devant le micro. Et... Non, mais attends, t'essuie pas, on va t'essuyer. Mais non, tu vas en mettre partout. Non, c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a un mec de chez Pizza U, le mec, terminé. Maintenant, tu fais ce que tu veux, mais moi, je vois personne le jeudi quand j'arrive. Non, mais attends, je ne comprends rien. Ça s'est passé devant la radio. Mais attends, mais j'y peux rien, c'est pas moi qui contrôle les gens de la radio. Là, le trottoir est à tout le monde. Bah, tu t'es. Hein? Mais oui. Ah! Bon, attends, me plante ta gueule, toi! T'es une vraie star maintenant, tu t'es fait entarfrer. Prends ta gueule, toi! Ok. Attends, mais y a pas le. Non. T'as pareil avant, comme avant? Si, peut-être. Non, mais attends, viens voir, non, mais attends, Gérard, va là-bas, non. Mais non, mais viens voir, viens, attends, non, mais. Mets-toi en face et explique aux gens, je ne comprends pas. Non, mais deux secondes, au micro, parle deux secondes, attends, Gérard, calme-toi. Et après, les deux jeunes, là, c'est qui, là? Parce qu'ils vont pas rester, hein, c'est pas possible, on n'a pas le droit d'être dans les studios, c'est pareil, c'est. Non, mais y a, vas-y. C'est les jeunes qui m'ont accompagné. Bon, alors, allume ton micro. Et calmement, sans t'énerver, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, c'est un mec de pizza. Il y a Nicolas plutôt qui est en bas. Passe devant ton micro, calmement. Vas-y, calmement. Il est en bas. Ouais. Je sais pas ce qu'ils font, ils attendent. Et il y a un mec de Pizza U qui m'a dit bonjour, il m'a balancé le truc sur la gueule. C'est tout. Et moi, maintenant, j'interdis les gens devant les studios. D'accord, donc tu t'es fait entartrer par un mec de Pizza U. Ouais. Mais. Le mec de Pizza U, de toute manière. Ah non, mais c'est pas Pizza Hut, mais non, c'est Pizza U, d'accord, ça n'a rien à voir. Ouais, mais attends. Non, attends. Mais Gérard, Gérard, viens voir. Non, mais attends. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Sois pas quoi, Gérard. Viens voir ce que je te dis. Justement, c'est pour le patron, pour qu'on fasse un procès. Attends. Vas-y, t'as une chemise à me donner. Mais je vais t'en donner une. Hein? Moi, de toute manière, il est hors de question de travailler comme ça. Hein? Oh là, le patron, parce que tu donnes ça à Axel Duroux. Ben oui, c'est clair. Vas-y. Pour le procès, pour les. Ouais, ben vas-y. Et comme ça, tu vas mettre ça sur Internet. Mais qu'il est con. Bah ouais, non. Mais si tu mets ça sur Internet, moi je te dis non. Donne-moi, t'as ma parole. Mais sois pas. T'as ma parole, je te le jure. Mais montre la face, montre. Ouais, bah vas-y. Voilà, hop, terminé, je... Mais... Voilà, attends. Gérard. Ah ouais, bah vas-y. C'est affreux ce qui s'est passé, les auditeurs, affreux. Une horreur. Bon allez, hop. Une horreur. Il a la moitié du visage peint en blanc. Tartrage. Là, c'est terrible. Tartrage. Bingo. Allez, va le nettoyer. On va le nettoyer. Salut. Attends, là. Non, mais là, ça va gueuler, les gars. Bon, on va le nettoyer, on va le nettoyer. C'est plus possible. Bon, on a les photos, c'est bon, les gars. Bon, alors, il s'est passé un truc, là, on n'était pas au courant, bien sûr. Et donc, Gérard s'est fait entartrer, et Gérard est arrivé dans le studio avec le visage complètement rempli de crème ou de chantilly, je ne sais pas. En tout cas, ça avait bon goût, hein. Ça donne envie de manger, on a faim. Ça a goûté, en plus. Non, ça donne faim. Non, mais c'est vrai que là, il en a partout, sur son portable, partout. Donc là, il est parti se nettoyer, on a pris des photos, bien sûr, des photos qui valent dans sa gueule. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Rigole. Ah oui, mais rigole pas aussi, Olive. Merde, c'est pas marrant, un truc comme ça. T'appelles-moi dans le bureau, tiens. Prends l'antenne, toi, Phil. Prends l'antenne, là. Tu veux prendre le bureau.